Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pitaro Hebdo. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes et au sommaire aujourd'hui, nous recevons un animateur télé et radio, si je vous dis Voltage, 20h minuit, un live d'Afida Turner où tout se casse. On pense bien évidemment au show Deluxe. Et Jordan Deluxe sera avec nous dans un instant. Nous reviendrons sur son parcours atypique avec Geneviève de Fontenay qui a joué un rôle clé dans sa carrière. Jordan Deluxe nous expliquera pourquoi. Et en deuxième partie d'émission, nous parlerons bien de Voltage et de son émission où tout peut arriver. Une émission en direct où il se passe toujours quelque chose inattendu. Comme toutes les semaines, Guillaume Vérec m'accompagne tout au long de cette émission. Bonjour Guillaume. Bonjour Tony, bonjour à tous. Avec moi aujourd'hui également Alexandre Bratek. Bonjour Alexandre. Bonjour Tony, bonjour à tous. Vous écoutez Pitaro Hebdo, Lucas Deveza est à la réalisation et Jordan Deluxe est notre invité. Jordan Deluxe, bonjour. Bonjour Tony, ça va ? Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans cette émission, on va parler de vos débuts, on va parler de votre émission sur Voltage, mais juste avant, j'aimerais avoir votre regard sur l'époque actuelle. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression que lors des interviews, on cherche toujours à avoir un petit peu la petite phrase pour être repris dans la presse, faire un peu le buzz. Alors certains dénoncent cette manière de faire et d'autres trouvent cela normal. Alors vous, votre émission Le Show Deluxe est souvent reprise dans la presse. Est-ce que quand vous préparez une interview, vous prévoyez d'être repris, qu'il y ait des articles sur vous ? Au contraire, vous vous dites si c'est repris, tant mieux, mais sinon, tant pis. Non, ce serait mensonger de dire non, on ne veut pas du tout que ce soit repris. Évidemment, on est content quand c'est repris, et plus il y a de reprises, plus on est content parce qu'on parle de l'émission. Après, moi, mon regard là-dessus, il est très simple. Je pense que les gens ont besoin de toute façon qu'on parle d'eux. Je vais vous dire, moi, l'émission, le fait qu'on en parle, c'est à double couteau. C'est-à-dire qu'à double tranchant, pardon. J'ai beaucoup de soucis avec les expressions, vous verrez. Je confonds, j'ai des gros soucis avec ça. Mais en fait, moi, pour moi, il faut que ce soit repris, c'est important. Ça fait parler de l'émission et à partir du moment où ce n'est pas extrêmement négatif, je trouve ça positif. Mais souvent, c'est vrai que ce qui est repris, de toute façon, ça va être soit quelqu'un qui pleure, pour une raison diverse, soit quelqu'un qui va parler de son salaire. Alors ça c'est on en parlera tout à l'heure, justement. Hein, on parlera, ça c'est un truc. Je suis étiqueté avec ça maintenant, mais c'est pas grave. Il y a plein d'autres choses, mais à chaque fois, c'est vrai que c'est un petit peu négatif. Cependant, ce sont des gens qui viennent dans l'émission pour parler de leur vie, et dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Les hauts, en général, ça intéresse pas grand monde, et les bas, mais c'est finalement ce qui nous rapproche, nous, vous et moi, Tony et moi, vous qui êtes autour de la table, et moi, et qui font que la personnalité, d'un coup, devient... quelqu'un comme tout le monde. Et moi, c'est ce que j'aime là-dedans. Mais pourquoi dans votre émission en particulier, les invités se confient plus que dans les autres émissions ? Il se passe quand même toujours quelque chose. Ouais. Alors, ils se confient parce qu'il y a de l'alcool. Avant les émissions, il y a de l'alcool. En fait, on a été obligés d'arrêter. Je vais te dire la vérité. En fait, c'est pas qu'il y a de l'alcool, mais l'émission, elle dure 2 heures. Donc, il y a 4 heures en tout. Donc, 20h, 22h, c'est tout peut arriver. Une émission de psychologie où on a des médecins qui sont là et qui parlent avec des personnes pour tester la dynamique émotionnelle. C'est une technique qui a été approuvée et tout, qui est vachement bien. Et c'est des gens qui ont des soucis. Et à partir de 22h, arrivent les invités. Donc déjà, 22h, dites-vous, la plupart des invités sont un peu éméchés. Ouais. Il y en a beaucoup qui arrivent, qui sortent de soirée. Et on va dire qu'avant, on avait un petit cocktail d'arrivée. C'est-à-dire qu'en général, il y en a beaucoup qui demandent du vin. Mais c'est fréquent. Enfin, ils demandent tous. Hein. Ils veulent quelque chose. Ils veulent un petit verre de vin. Tu leur amènes de l'eau gazeuse. Les mecs, ils font la gueule, tu vois. Et en fait, on a été obligé d'arrêter parce qu'on a eu des soucis avec plusieurs émissions où on a des invités qui sont ressortis. Franchement... voilà, ils étaient complètement ivres-morts. Donc, avec Chantal là-dessous, ça a été très compliqué. Ah oui ? Oui, on a fermé à 4h du matin les studios et elle est restée coincée dans l'ascenseur parce qu'en fait, il faut un code pour descendre. Et elle hurlait dans l'ascenseur et les voisins qui ont dit « il y a une personne en ébriété dans l'ascenseur ». Et c'était Chantal là-dessous qui hurlait avec son mari Michel. « On veut descendre !» C'était quelque chose d'extraordinaire. Donc après, oui, il y a des invités qui aiment bien la picole, mais bon, comme tout bon français... Et il y a des invités du coup qui regrettent d'avoir un peu dit des choses... Qui vous envoie des messages le lendemain, que vous dites. Ça, c'est le souci, en fait. Ils ne regrettent pas d'avoir dit les choses sur le coup, parce qu'en fait, quand ils viennent à Voltage, ils se disent c'est une radio, je vais parler et tout va. Sauf qu'il y a 4 caméras rotatives, des vraies petites vipères qui sont là, qui chopent les instants. Et puis, c'est vrai que, comme l'émission dure 2 heures, forcément, on élargit. Donc, tu poses une question à 22h, ça passera pas. Tu la reposes à 22h30, bon, déjà, il commence à bien se sentir. Et après, en fonction de l'invité, tu arrives à bien le manier et tout, vers 22, 23h30, 23h45, tu reposes la même question, la personne... elle va te lâcher le truc. C'est que stratégie, donc, en fait, finalement. C'est pas stratégie. C'est pas de la stratégie. En fait, le but, c'est juste d'avoir des invités qui se livrent différemment d'une autre émission. Aujourd'hui, vous allez, je vais citer plein de radios, Énergie, Fun, je sais pas, RTL, tout ça, demandez combien d'antennes font les invités quand ils y vont. À chaque fois, c'est ce qui me sort. Mais ils font rien. Mmh. Ils font rien. L'émission de Koé, combien d'antennes font les... Il y a combien d'invités dans cette émission? Il y en a, je sais pas combien, qui vont les uns après les autres, qui sont plus connus les uns que les autres. Hein. Ouais. Il y a un Kinvé qui va croiser une Najwa Belizel, par exemple, l'autre fois que j'ai eu et tout. Mais jamais quelqu'un va faire deux heures dessus. Parce que non, faut aller vite. On va pas, tiens, on va passer Gabriel parce que c'était son gros titre. Et puis machin. Tac. Et puis voilà. Et puis on s'arrête là-dessus. Or, sur le show de luxe, on reste deux heures sur l'invité. Donc forcément, on a du temps. Et c'est ça l'intérêt de cette émission. On peut déblayer pendant deux heures la vie de l'artiste et aussi les choses qui n'ont pas été. Parce que des... voilà, il y a des gens qui sont hyper intéressants, notamment les personnalités qui ont vécu des vrais trucs et les personnalités, comment on va dire, les ringards ou je ne sais quoi. Mais c'est eux, par exemple, qui apportent en général le plus de choses. Alors justement, vous pouvez creuser, notamment sur les salaires, hein, Guillaume. Oui, notamment sur les salaires. Ouais. Vous en avez beaucoup parlé, je pense à Guylaine Arabian. Ariel Wiesman aussi. Voilà, éventuellement, bien sûr. Et justement, je vous propose d'écouter, vous avez fait en sorte que la chef Arabian dévoile son salaire. C'est bien payé, Top Chef ? Je ne sais pas si c'est bien payé. Bah, vous savez, vous avez été payé pendant 5 ans, vous ne l'avez pas fait bénévolement. Non, je ne sais pas si c'est bien payé, puisque je ne connais pas les salaires des autres. Je vais vous aider. Alors, c'est payé combien, Top Chef, quand on s'appelle Guylaine Arabian, quand on est chef étoilé ? Je n'ai pas l'impression que c'était payé des tonnes. Vous vous souvenez ? C'est 2 mois et demi de travail. Oui. Je sais plus, je crois que c'est 15 000 ou 20 000 euros, quelque chose comme ça. 20 000 euros, vous avez 15 000, 16 000, enfin entre 15 et 17 000. Il faut quand même se sentir pas mal en confiance pour révéler son salaire, parce que chez Hanouna, dans TPMP, il y a pas longtemps, ils ont révélé les salaires de chroniqueurs pour une émission. C'est rare aujourd'hui que des personnalités médiatiques révèlent leur salaire, que ce soit en radio ou en télé. Bah en fait, ça dépend des invités. En l'occurrence, Guylaine Arabian, j'avais vraiment peur qu'elle me foute une grosse tarte dans la gueule. Parce qu'il faut dire que la meuf, elle n'est pas haute sur pattes, mais je peux vous dire qu'elle envoie. Elle est charismatique. Elle est charismatique. Elle arrive dans le studio, elle te regarde. Putain, c'est une chef, quoi. Tu vois, tu sens qu'elle mène les gens à la baguette. Que vraiment, c'est elle. Et en fait, ça se fait. Il y a des fois où tu te dis, bon, allez, j'y vais. Et puis voilà. Mmh. Et moi, sincèrement, les histoires de salaire, mais alors ça m'hallucine. Parce que souvent, on m'étiquette. Mais oula, ça va être compliqué ça. On va choisir un autre mot. Souvent, on catégorise avec ça. Or, moi, pour moi, c'est quelque chose. Mais ça me choque pas du tout. Moi, ça me dérange pas de donner mon salaire. Souvent, ils essayent de me piéger comme ça. Bah, votre salaire 2000 euros. Je gagne 2000 euros net par mois pour faire mon émission. Je suis très content. Après, il y en a qui me disent, c'est pas assez. Ou alors, je sais pas, je m'en fous. Moi, ce que je sais, c'est que je suis heureux. J'invite des gens qui sont, franchement, qui me font kiffer. Et carte blanche sur Volta. Je fais ce que je veux, mais vraiment ce que je veux. Et même des fois, je me dis, putain, la vache, il me laisse vraiment faire ce que je veux, quoi. Si je veux passer 2 titres sur les 2 heures, je passe 2 titres. Il y a juste les pubs qui partent en forcé au bout d'un moment de temps. Voilà. Mais pour ce qui est des salaires, moi, ça ne me dérange pas d'en parler. Et je trouve ça hyper. Enfin, je trouve que quand quelqu'un donne un salaire, je trouve ça intéressant parce qu'on se pose la question. Moi, vous savez, je suis un petit Breton qui vient de Rennes et j'ai toujours été omnibulé par ce milieu, par les salaires. Et on a toujours l'impression que les gens gagnent des sommes faramineuses. On se dit, putain, il est connu, il gagne une somme fantastique voilà, mais c'est pas vrai pour tout le monde. Et quand les gens, quand je leur pose la question, bah soit ils me répondent, soit ils me répondent pas. Quand ils me répondent pas, en général, ben je tourne autour. Je fais c'est entre ça et ça, c'est la fourchette, c'est machin. Mais moi, ça m'intéresse. Je sais pas. Je pense que ça vous intéresse aussi. Vous savez, les gens, ça intéresse les auditeurs et ça nous intéresse nous aussi, évidemment. Alors moi, ce qui me fait rire en général, c'est qu'ils me disent, non mais ça intéresse personne. Mais ça intéresse tout le monde. Arrêtez. Si au niveau salaire, ça intéresse tout le monde. Mais ça intéresse tout le monde. À tout le monde. Mais en France, c'est un truc. En États-Unis, non, les gens s'en foutent. Mais ici, les gens veulent savoir. Et bien moi, je pose la question. Et c'est pas l'animateur qui pose la question de savoir combien vous êtes payé, c'est plutôt le petit Breton qui, de ses yeux de Bretagne natale arrivé à Paris, se pose la question de comment, quand on s'appelle Guylaine Arabian, qu'on a été exposé comme ça sur une émission, mais combien on gagne? Et voilà, je sais plus combien elle a dit. Entre 15 et 17 000. Et la fille, et il y en a qui vont te dire c'est pas beaucoup. Moi, ça me paraît faramineux. Mais si je me permets de poser la question, c'est aussi parce que j'ai un salaire correct, normal. Je pense que j'ai le salaire de beaucoup de Parisiens, voilà, qui est pas extraordinaire. Mais bon, moi, j'estime pas non plus que je fais un métier Moi, j'ai très terre à terre par rapport à ça. Le petit Breton, il arrive à Paris de manière assez original, on va dire. Ah oui, c'était original. C'était original parce que moi, je travaillais, enfin, j'étais en Bretagne, donc tranquillement, avec mes parents, donc, qui étaient là, tout ça, puis qui voyaient bien que c'était la merde parce que je travaillais à la base, j'étais vendeur. Enfin bon, j'ai fait un BTS et tout, puis c'est très mal passé parce que j'arrivais pas à arnaquer les gens. Parce que, bon, en l'occurrence, dans le magasin où j'étais, c'était quand même de l'arnaque. Hein. Faut dire, ils étaient là, ils faisaient, ouais, faut faire de la marge, la marge. D'accord. C'est la personne, un magasin de quoi un magasin d'électroménager. Ils disaient, oui, puis c'est la personne âgée, tu verras. Tiens, ça sera plus facile. Très vite. Alors, en fait, ce que je faisais en général, c'est que je faisais des réductions. Je chopais les codes promo. Enfin bon, c'était une catastrophe. Et à la fin, ils m'ont dit, écoutez, Jordan, on a un souci avec vous, ça va plus. Ça marche et, pas. Donc, je n'ai pas là. Ma mère a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire, Jordan? Je dis, oh, bah, je verrai. Et puis, un jour, je suis chez moi et j'entends une émission qui s'appelle C'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy sur Europe 1. Et en l'occurrence. Eh bien, ça avait l'air plutôt pas mal et tout. J'écoute, je me dis, tiens, c'est vraiment sympa. Puis Laurent Baffy, j'adore. Et là, je me dis, mais je vais appeler. Et j'appelle et je tombe sur l'assistant qui me dit, écoutez, ça tombe bien, on cherche quelqu'un pour gagner un LG Chocolate. Je ne sais pas si vous connaissez, mais à l'époque, c'était le téléphone, un truc de ouf et tout. Alors, je fais, d'accord, ok, bon, est-ce que vous allez me prendre? Il fait, oh, oui, de toute façon, il nous faut quelqu'un pour ce soir. Donc, c'était un enregistrement. J'enregistre l'émission le soir et donc du coup il fallait chanter une chanson, c'était Mexico, oh, Mexico, pendant une heure il fallait chanter une chanson parce que le thème de l'émission c'est ça. Je sais pas si vous avez connu cette émission, mais en fait t'avais deux personnes qui se battaient, elles devaient chanter pendant une heure une chanson et pendant l'émission c'était entrelacé et comment dire, Baffy faisait bon alors et puis t'entendais le mec qui chantait Mexico et donc du coup c'était un petit peu ridicule et ma mère, mes voisins ont dit putain mais il est fou le gosse a pété les plombs, ça fait une heure qu'il chantait. À la fin de l'émission, Baffy donc m'ont à l'antenne et puis me fait bon écoute Jordan, je suis désolé mais t'as perdu le téléphone. Et là je fais des illusions. Ça fait une heure que je chante comme un connard. Tout le monde me prend pour un zinzin. J'ai dit c'est hors de question. Donc j'ai dit à Laurent Baffy à l'antenne, je sais pas ce qu'il m'a appris, je lui ai dit écoute c'est très simple Laurent, soit tu m'envoies le téléphone, soit je viens Europe 1 la semaine prochaine. Et là, Baffy, il a dû se dire, mais c'est qui ce personnage Exactement. Qui est-ce qui est au bout du fil? Et là, il m'a dit, mais pourquoi tu dis ça? Et il me dit, non, surtout, il m'a dit, mais comment dire, qu'est-ce que tu fais si jamais je refuse le téléphone et je refuse le fait que tu viennes? Et je lui ai dit, ah ben, je vais venir à Europe 1, je vais tout brûler. J'en ai rien à foutre, je vais foutre le bordel là-dedans. Il m'a dit, ok, petit enculé, viens la semaine prochaine. Vous êtes arrivé à rue François 1er à l'époque. Exactement, donc imaginez-vous ma mère. Je prends ma valise, je dis écoute, je monte à Paris la semaine prochaine voir Laurent Baffy. Ma mère a dit bon, ok, donc il est vraiment disjoncté, le gosse c'est fini, les copains c'est fini, on n'en fera plus rien. Elle m'a dit écoute, vas-y. Donc j'ai pris mon billet. Je suis parti à Paris et je me souviens très bien arriver rue François 1er, là devant une foule énorme de gens qui se promenaient et tout, qui attendaient. Et c'était les fans de Laurent Baffy. Et donc, du coup, je les vois. Et là, je vois Laurent Baffy qui débarque. Donc, je le vois. Pour vous, imaginez-vous pour moi, mais c'était un truc... J'avais 20 ans, hein, c'était un truc de ouf. Je le vois et je lui fais « Oh, Laurent, c'est moi, Jordan !» Et puis, il me fait « Quoi, Jordan ?» Il fait « complètement. Ah, le mec qui a appelé la semaine dernière. » Je dis « Oui, pour moi, j'étais, mais vous voyez, c'était le truc de ouf. » Je me suis dit « Putain, il va me reconnaître, machin. » Et puis, on regarde, il fait « T'aurais mieux fait de pas venir. Ah, il pensait que vous viendriez pas, du coup. Non, bah, il m'a dit, t'aurais mieux fait de pas venir. D'accord. Bon, c'est bien, t'as raison de venir, tu regarderas l'émission. Allez, hop. Et puis il monte, il part. Là. Et là, je me dis, non, mais je me casse. Je me casse. Le mec m'a humilié. En plus, il y avait tous ses... C'est vraiment des fans hein, de Baffy. Et il y a un mec qui me fait, à côté, qui me fait, non, mais vas-y, viens avec lui, viens avec nous. T'inquiète pas, j'en connais, Laurent, machin. Et j'avais préparé une petite chronique. C'était une déclaration d'amour à Julie Leclerc. Et donc, du coup, on rentre, on fait l'émission. Il y avait Laurent Baffy, Anne Roumanoff, les frères Bogdanoff, et l'émission se passe, tout se passe bien et tout. Et puis à la fin de l'émission, donc l'émission se termine, là je me dis putain, voilà, j'ai pas fait ma chronique et tout. Et là, d'un coup, Laurent Baffy fait ah, au fait, il y a un petit enculé qui nous a appelé la semaine dernière. Non. Et là, je fais putain, c'est moi le petit enculé. Ah, j'étais trop content. Et là, il fait bon, allez, bah, viens là, viens faire ta chronique. Et donc, du coup, je suis allé au milieu de la table et je me suis retrouvé à côté de Bogdanov. Et j'ai fait ma déclaration d'amour à Julie d'Europe 1. L'émission se termine. Je rentre, je me réassois et tout. Et là, Baffy, je vais le voir, je vais le saluer. Je dis écoutez, merci quand même, Laurent. C'est quand même sympa de m'avoir fait travailler. Puis là, il me regarde, il me fait ouais, t'as eu raison, mais franchement, c'était vraiment de la merde ce que t'as fait. Et je lui dis bah écoute t'as raison hein, c'était certainement de la merde. En tout cas moi j'ai vécu un beau moment, merci. Et là il me prend dans ses bras, il me fait mais non je déconne, je pense que t'as un avenir là-dedans. Il dit il y a la pute au chapeau qui veut te parler. Je fais quoi la pute au chapeau? C'était Geneviève de Fontenay. Il l'appelle comme ça hein. Et donc du coup j'ai été voir Geneviève et Geneviève oh bah oui j'étais bien et elle m'a donné son numéro de téléphone. Elle m'a donné son numéro de téléphone. D'accord. Son 06 quoi. J'avais le numéro de Fontenay. Maintenant tout le monde l'a bon. Et elle me fait oh bah oui si vous voulez, moi je peux être votre marraine, machin. Bon, se passe, on va manger, boire un petit verre, machin. Puis je rentre chez moi. en Bretagne. Mmh. Et quelques jours plus tard, j'ai un coup de fil de la direction d'Énergie 12. Donc, oui. C'était Gérald Brice-Viret qui était directeur à l'époque. Il me dit, écoutez, alors, je ne sais pas comment ça s'est fait, toute cette histoire. Je ne sais pas qui a donné mon numéro à qui, si c'est De Fontaine. Je ne sais pas. En tout cas, il me fait, écoute, on cherche quelqu'un pour travailler avec nous à la rentrée en stage. Voilà, ce serait avec Cyprien et Maxime Muscat. Je fais, bah putain, j'ai oui. Bien et donc, sûr, du coup, je suis remonté à Paris, il fallait trouver une école, je suis arrivé au Studec et j'ai fait le Studec TV. Et j'ai d'accord. beaucoup été plus en stage bah oui, qu'au Studec. Voilà, c'est plutôt le Studec, enfin, c'est plus la comment dire, voilà, le travail qui m'a appris les choses. Quoi. Donc, c'était votre premier micro finalement, Europe 1 Europe 1, c'était mon premier micro. Il y a eu une révélation ou alors de tout petit, vous vous êtes dit, tiens, les médias, ça m'intéresse ou pas du tout? Bah, je voulais faire ça depuis que j'étais petit, ouais. Sauf que je savais pas du tout le comment côté y showman, arriver. Ouais, il y avait le côté showman, puis j'ai créé un personnage que je voulais créer, Jordan Deluxe, avec des habits, tout ça. Enfin, bon, ce que j'ai un petit peu après atténué parce que très vite, ça rentrait dans les catégories qui, de toute façon, allaient m'exclure de milieu. Donc, du coup, j'ai fait attention avec ça. Mais oui, j'ai toujours voulu faire ça. Et pourquoi Jordan Deluxe ? Jordan Deluxe, parce qu'en fait, il fallait trouver un nom. Moi, mon nom de famille, c'est Guinel. Sauf que Guinel, en Bretagne, ce sont des transporteurs. Ça appartient à mon grand-oncle. Et j'avais pas du tout envie d'être associé à une compagnie de transporteurs. Et surtout, je voulais protéger ma mère qui est pas du tout dans le milieu télé, radio, tout ça. Vous savez, ils sont en Bretagne, tranquille. Mmh. Et je me suis dit, imagine, tu fais une grosse connerie, il y aura ton nom Guinel en gros sur un truc. Je me suis dit, imagine, ça marche et voilà, il y a un problème. Mmh. Je voulais pas du tout. Donc, je me suis dit, je vais mettre un autre nom. Et donc, Deluxe, en réfléchissant, je réfléchissais. Et un jour, j'étais au McDonald's, mais tout ça est vrai. Hein. Et j'ai mangé un Mac Deluxe. Je me dis, putain, mais c'est pas mal. Hein. Je dis, c'est quand même incroyable de donner ce nom à un sandwich. Un truc Deluxe. C'est quand même un truc à 4 balles, ça vaut rien, c'est du fast-food et tout. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi je prendrais pas ce nom-là qui est comme un sandwich populaire, quoi. Et je me dis, je vais mettre une particule. Donc, je vais le séparer et je vais le déposer ça. Et donc, du coup, j'ai créé Jordan Deluxe. Et il y avait aussi le côté, c'est vrai que j'adorais me mettre en costume, noir et blanc, tout ça, un peu comme Geneviève de Fontenay. Mmh. Donc, du coup, j'ai gardé ce nom-là. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'à Paris, je crois que personne m'appelle Jordan Guinel, quoi. Ils m'appellent tous Jordan Deluxe. C'est Jordan Deluxe ou alors c'est Deluxe, voilà. Ouais, c'est un Deluxe, tu me. Voilà. Donc, du coup, c'est agréable. Bah, comme quoi, ça marche. Oui, C'est un nom qui vous a réussi parce que pour l'instant, vous recevez quand même de gros invités dans votre émission sur Voltage. Alors, moi-même, je comprends pas trop hein, pourquoi ils viennent, mais en fait c'est en tout cas je vais vous dire un truc, c'est pas grâce aux attachés de presse, ça c'est important de le c'est dire. C'est de vous-même? Oui, c'est de moi-même et c'est moi qui récupère tous les numéros de téléphone. J'avais quelqu'un avant il y a un an, et puis on a arrêté parce que lui est parti sur d'autres univers, voilà, il est parti travailler ailleurs, et puis on a un peu réduit l'équipe parce qu'on a eu pas des soucis, mais ça a été compliqué l'année dernière, c'était la première saison et c'était il y avait beaucoup trop de monde dans l'émission, le plateau était trop grand, c'était pas assez intimiste, et donc du coup on avait beaucoup moins de choses. Donc en fait j'ai oublié la question. Non, je vous disais, comment vous faites pour recevoir des gros invités? En fait j'ai travaillé un petit peu donc, dans mon cursus pour France 2, donc Mistral Productions, qui produisait les 50 ans d'Interville, et donc à ce moment là j'ai récupéré la liste de pratiquement toutes les personnalités de France 2, d'accord. France Télévisions. Donc, j'ai plein de numéros. J'ai une liste avec, je dois avoir 400 numéros de personnalités. Donc, vraiment, mais tous les numéros. Quoi. Que ce soit passe par Drucker, pratiquement tout le monde. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fin d'émission, je demande à l'invité, quand il vient, tu pourrais pas me filer un numéro, machin. Et on s'échange comme ça. Et dans le milieu, de toute façon, tout est comme ça. Sûr. On s'échange tous les numéros. Mais les attachés de presse, aujourd'hui, c'est compliqué parce que comme elles voient tous les articles qui sortent, ils disent, oh, maintenant, ça va être un bad buzz, ça va être un machin. Parce que c'est vrai que votre émission, on la connaît aussi à cause ou grâce, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, un peu des buzz qu'il y a autour. À chaque fois, on tape Jordan Deluxe, le show Deluxe, on tombe sur des articles. La question, c'est comment ? On fait quoi, les amis ? Est-ce qu'on fait une émission où on invite une personne pendant 2 heures, on lui parle et on ne sort rien ? C'est-à-dire qu'on va sur aucun sujet. Dès que c'est un petit peu tendancieux, on n'y va pas. Hein, attention, vous avez perdu votre mari, on n'en parle pas. On n'en parle pas, au fond, il ne faut pas en parler parce que c'est, vous avez gagné beaucoup d'argent. Non, on ne va pas en parler. Ouais. Non, on va parler des choses bien, de ce que tout le monde connaît. De ah bah oui, voilà, c'était bien, c'était un vrai tube. Ah, vous étiez contente. Oui, les gens m'acclamaient, c'était génial. Ce qui se fait partout, en fait. Mais ce qui se fait partout. Et alors, votre descente en enfer, non, on ne va pas parler de votre descente en enfer. Il ne faut pas en parler parce que c'est négatif. Mais non, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller sur les choses dont les gens ne veulent pas parler. Et quand les gens se livrent, c'est un vrai bonheur. Et moi, j'ai eu une Julie Pietri, par exemple, qui a fait le tube Ève, lève-toi. Mm. Tu te dis, bon, une fille, des gens comme ça, on va te dire dans le milieu, ah, mais non, pourquoi tu l'invites? Elle est burn. Mm. Elle est brûlée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à faire. Tu peux rien en sortir. Mais bien sûr que si on peut en sortir, c'est des gens qui ont vécu énormément de choses, qui ont vu plein de choses. Et quand tu lui parles normalement, eh bien, elle, au bout d'une heure, sans rien avoir fait, tu vois, tout à l'heure, je déconnais avec l'alcool, mais ça, de toute façon, on a arrêté. Donc, parce que là, il y a une personne à la direction qui nous a dit, écoute, arrêtez les bouteilles. Parce que c'est plus possible, c'est quand même un lieu de travail, donc on le fait plus. Mais juste au bout d'une heure, il y a des gens comme ça, ils se sentent bien et ils te sortent un truc. Et là, elle nous a sorti que voilà, que Julie Pietri, que son enfance avait été très compliquée avec elle, qu'elle avait eu l'endométriose. Mmh. Et voilà, et elle s'est mise à pleurer comme ça. Et c'est des moments qui sont tellement forts. Émouvant. Et voilà, mais si tu écoutes un petit peu les gens et t'es pas là en train de juste leur dire, allez, on fait ta promo, on fait ton truc. Moi, j'invite pas les gens pour leur promo. Mmh. Et c'est pour ça, en général, quand j'appelle les artistes, ils me font, non, mais j'ai pas de promo. Je dis, mais je m'en tape. C'est pour ça, c'est vrai. Que vous ayez pas... Moi, hier, j'avais Catherine Fro au téléphone. J'ai dit, écoutez, Catherine, moi, j'aimerais vous inviter, mais je suis en pleine promo. Je dis, ah non, mais je veux pas vous inviter maintenant. Je dis, moi, ça m'intéresse pas du tout. Hein. Je dis parce que là, vous êtes dans un mode où vous faites tac, tac, ouais. Comme Chantal Lobby, pareil. Là, ils n'arrêtent pas, ils n'arrêtent pas. Et les gens, au bout d'un moment de temps, ils en ont marre et ils ont envie de prendre du recul. Et c'est à ce moment-là que vous faites les inviter pour passer un moment avec eux et ils vont te sortir des trucs. Mais il faut qu'ils se sentent en confiance. Et vous êtes déjà arrivé de regretter ? De regretter ? Aucun invité vous dise je regrette et que ça vous touche. Ouais, il y en a un où j'ai regretté, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est qui ? C'est Philippe Chevalier. Parce que je lui ai posé des questions sur son duo avec Chevalier et Las Palès. Mm. Et Philippe Chevalier est quelqu'un de très, très tendre. Et il a dit pendant l'émission qu'il était séparé de. Qu'il ne parlait plus à Philippe Chevalier. Donc c'était vraiment. C'était officiel. Hein. C'était le premier soir où il disait que le duo s'arrêtait. Et il avait l'air quand même assez ému. Et j'ai un petit peu trop été dessus. J'ai dit, ah bon, c'est vrai, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est livré et il l'a très mal vécu le lendemain parce que j'ai eu des nouvelles de l'attaché de presse qui m'a dit que bon, c'était partout et que ça lui avait fait beaucoup de mal parce que c'est quelque chose qu'il vivait très mal. Sauf que moi, je lui ai posé la question parce que bah voilà, c'est venu comme ça. En plus, il l'a dit tout seul. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être moins dû rentrer. En fait, j'ai senti après que ça lui avait vraiment fait du mal et c'était vraiment pas le but. Et je serais ravi de le réaccueillir pour en parler avec lui. Mais oui, ça, c'est un truc qui m'a... Parce que quand c'est des gens qui sortent un truc pour le sortir, c'est des gens aussi qui savent très bien. Hein, qui prévoient. Oui, bien sûr. Hein, ouais. Y a des gens qui font mine de rien. Ils savent très, très bien que... moi, j'ai reçu des personnalités dont je tairai le nom, mais qui sont venues et qui m'ont sorti exactement ce... Moi, j'ai compris très vite. Hein, voilà. Y en a qui sont très, très malins. Hein. Tu reçois, par exemple, un Dylan là, de Koh-Lanta. Le mec a fait quand même 50 articles hein, quand il est venu dans mon émission. Je crois que c'est un des recordman, lui. C'est-à-dire qu'il a, dit, il a sorti exactement ce qu'il fallait au bon moment. La petite phrase. Des trucs sur Koh-Lanta, mais il a dit des trucs, par exemple, qu'il y avait des préservatifs sur Koh-Lanta, des trucs qui n'étaient pas encore sortis. Ouais. Hop, il a sorti que sa dentition, ça lui avait coûté 45 000 euros. Il savait que le lendemain, il avait Hanouna. Ils ont repassé l'ex... T'en as qui sont des maîtres, quoi. Ils savent exactement. Mais ils savent que l'émission est reprise, voilà. Mais sur Philippe Chevalier, ça m'a fait du mal parce que ça lui a fait du mal. Après, je regrette pas d'avoir posé la question. Je regrette d'avoir été plus loin et vraiment, le mec était pas bien, tu vois. Quand c'est quelqu'un qui se met à pleurer parce qu'il a vécu quelque chose de difficile et que ça a été cautérisé, c'est pas grave. Il le dit, il a envie de le lire. Mais quelqu'un qui vit le moment présent... C'est compliqué et c'est vraiment quelqu'un de très gentil. Et là, vous êtes en bon terme avec lui ou pas ? Est-ce que vous avez des nouvelles ? Non, j'ai pas de nouvelles. Déjà, j'ai pas son numéro de téléphone. C'est passé par l'attaché de presse et l'attaché de presse m'a dit que voilà, ça allait s'estomper. Il faut du temps. Mais ouais, il faut du temps, voilà. Mais oui, il y a des gens, il faut faire attention. Vous côtoyez toujours Geneviève de Fontaine ? Oui, bien toujours sûr. En contact. Oh, oui. Ah, je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit. Des fois, elle me peine, mais c'est quelqu'un que j'apprécie. Il y a beaucoup de rumeurs qui affirment que maintenant, elle veut un peu être dans la lumière, faire un peu parler. Je sais pas comment vous le santé comme vous êtes proche d'elle. Bah, je pense que ça a toujours été le cas. Geneviève, elle aime bien la lumière, elle aime beaucoup les gens surtout. Alors après, le truc, c'est que Geneviève, des fois, a dit des trucs. Moi, je l'ai eu à l'antenne. Il y a des fois où je me suis dit, putain, il faut qu'on coupe l'antenne. Quoi. Parce qu'elle dérive surtout. Vous l'avez déjà reçu ici ? Non ? Non. Ah non. Bah, je vous donnerai son numéro si vous voulez vous la voir. Plaisir. Vous allez la recevoir. C'est un sacré numéro. Elle est très, très gentille, mais elle va partir sur plein de choses. Donc voilà. Puis attendez, hein, elle a quand même elle a un petit peu de... Elle a des heures de vol, notre Geneviève. Donc voilà. Je pense qu'aussi à son âge, des fois, les choses qu'on dit, elle est peut-être plus en phase avec son époque. Mais c'est quelqu'un qui a des bonnes idées, qui quand même est en contact avec le président Macron et tout. Hein. Moi, j'ai vu. Elle lui envoie des SMS. Bien sûr. Moi, j'ai vu avec elle à dîner voir les messages Emmanuel Macron, hop, qui sonne et tout. Hein, qui, enfin voilà, voilà, c'est quelqu'un de très très respectable. Après, le fait qu'elle ait envie d'être dans la lumière, elle a toujours aimé ça. Et puis voilà. Et je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai eu l'occasion de sortir avec elle sans son accoutrement. Donc les gens, hop, ils calculent pas. Hein. Par contre, dès qu'elle met son chapeau, tout ça, hop, bah, les gens la reconnaissent et tout. Et elle a besoin de ça. Comme elle dit, elle, pour elle, c'est un bonheur pour elle que les gens la reconnaissent et viennent la voir et tout. Et pour moi, c'est une des rares femmes aujourd'hui. Pour moi, c'est du même niveau que Karl Lagerfeld. Vous voyez, au niveau de la tenue. Elle est emblématique, cette femme. Bah oui. Quand elle va partir, je vous jure, quand elle va partir, ça va être quelque chose. Parce qu'on la critique, on la machin. Mais un mec comme Jérôme Commandeur, on a fait son pain quotidien. Il est extraordinaire sur Europe 1. Quand, oui, je passe, bah oui. Quand il imite la Geneviève de Fontenay, moi, je ne l'ai pas. Hein, j'arrive pas à l'imiter. Mais c'est mythique. Elle est drôle, Geneviève. Elle va te parler de trucs. C'est toujours les mêmes phrases qu'elle te sort. Les canons de la beauté remplaceront pas les canons. En fait, c'est toujours des conneries comme ça. Mais c'est quelqu'un de gentil. Mais elle a des colères. Moi, elle devait faire l'émission avec moi l'année dernière. On avait calé quelque chose. Et je suis son filleul. Hein. Et du au jour au lendemain, elle a annulé. Parce que finalement, elle s'était fait monter la tête par quelqu'un. Et voilà, c'était pas payé assez cher, ce qu'on lui proposait et tout. Bon, après, moi, j'ai pas pris dans le budget. Vous avez prévu de la payer pour qu'elle vienne dans l'émission ? On avait prévu de la payer pour qu'elle vienne régulièrement dans l'émission. D'accord. Ah, okay, d'accord. Que... Une fois par semaine. C'est pas un caprice. Tous les jours, pardon. C'est pas un caprice, c'est que bah, des fois, d'un coup, les gens, ils veulent plus faire. Bon, bah, ça arrive, hein. C'est comme quelqu'un décale au dernier moment. Bon, bah alors ça, tu te démerdes, quoi. Qu'est-ce qui fait que ça ait matché avec Geneviève de Fontaine ? Parce que vous êtes deux personnalités qui, lorsque l'on vous connaît pas ou lorsque l'on vous découvre, on se dit, bah, tiens, ils ont rien à voir, ils sont totalement différents. Et finalement, ça match, en fait. Bah, parce qu'elle est extrêmement populaire. Je crois qu'elle vient vraiment des terres. Elle est normande. Moi, je suis breton. Donc, déjà. Non, elle est de la Lorraine. Qu'est-ce que je raconte ? Enfin, bref. Non, mais elle est quelque chose de très populaire en elle, quoi. C'est quelqu'un de très. Elle est très terroir, quoi. Ouais. Vous allez dans un restaurant avec elle. La première chose qu'elle va vous ferez le test si vous voulez, vous allez bouffer avec elle, vous êtes dans un restaurant où servent des grosses assiettes bien bien lourdes, tu sais, les ardoises là. Mmh. Eh ben, elle va gueuler, elle va faire ouais, je comprends pas pourquoi le serveur amène des assiettes comme ça super lourdes, ça lui fait mal aux mains. Alors elle se met à gueuler, machin, ouais, c'est quoi ce bordel, je veux pas de ça, moi je veux juste mon pâté, c'est tout ce que je veux. Donc voilà, elle a un vrai souci de d'être que les gens soient heureux, elle a envie de ça, quoi. Et elle est quand même effarée par tout ce qui se passe dans ce monde, quoi. Je crois que elle vit une époque qu'on est en train de vivre, qui, je pense, la dépasse. Et vous, en tant qu'animateur, vous avez quel regard, justement, sur l'époque qu'on est en train de vivre ? Parce que vous êtes là, quand même, pour divertir, vous faites du divertissement. Et, c'est compliqué. Est-ce que c'est compliqué de rire encore tout ce qui se passe ? Ouais, c'est compliqué parce que t'as des jours... déjà, il n'y a pas d'infos, il n'y a pas d'actu. Donc, tu cherches, tu vas rien trouver. Ouais. Et puis, t'as des jours où tu ne vas pas avoir des invités qui sont extrêmement bons. Tu vas en mettre plusieurs. Enfin bon, voilà. Avoir des gros invités, c'est difficile aussi. Faire rire aujourd'hui, c'est compliqué. Et puis, il y a aussi cette... ça fait 8 ans que je suis sur... 9 ans que je suis sur Paris. J'ai vu l'Instagram là, et compagnie arriver. Et je vais vous dire, ça... C'est une horreur, ce truc, quoi. Tu en es complètement dépendante. T'es obligé maintenant d'avoir des gens qui te regardent. T'as des gens qui payent pour avoir plein de likes. Donc, du coup, tu sais pas trop. Donc, du coup, c'est compliqué quand tu veux inviter un artiste. Parce que du coup, il va regarder. Moi, par exemple, je dois avoir 3000 personnes. Mais bon, voilà, je suis pas non plus. Toi, je cherche pas. Mais t'as des artistes qui vont pas venir parce que t'as pas assez de monde, machin. Donc, du coup, moi, j'ai fait certifier le compte. Donc, ça a aidé. Mais c'est des trucs à la con. Mais maintenant, on est regardé là-dessus, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un mec qui a 300 000 abonnés sur Instagram, il a plus de chances de faire de la radio qu'un mec comme moi, par exemple, qui vient de sa Bretagne et qui fait de la radio depuis 8 ans et qui invite des... Voilà. Et ben, il a plus de chances, lui, d'en faire parce qu'il est plus connu. Parce qu'aujourd'hui, pour faire de la télévision, il faut déjà être connu. L'influence. Non, mais on est dans un délire, là. On est dans un délire. Alors que les influenceurs, les gens qui sont derrière leurs réseaux sociaux, ben, invitez-les, vous verrez. C'est des mecs qui sont très gentils, mais qui n'ont pas énormément de choses à raconter. Et je pense que le métier de la radio, c'est qu'il faut avoir envie de partager un truc avec les gens. Et les gens qui sont tous les jours derrière leur Instagram et compagnie, qui n'ont pas envie de partager des choses avec les gens. Ils ont envie de montrer que leur vie est extraordinaire et de vous faire croire qu'ils partagent avec vous. Mais ils veulent juste que vous les suiviez et que vous êtes soyez en train de dire « C'est génial, j'adore ce que tu fais, ouais, trop beau. Ah, tu t'es mis torse nu, c'est trop beau, machin. Ah oui, je te suis. » voilà. Et Annabelle, c'est ostentatoire. Mais c'est ça, c'est que ça, Instagram, aujourd'hui. Et la plupart des grands animateurs ne se servent même pas de ça. Prenez Michel Drucker. Non, mais après, même à Camille Combal, je ne sais même pas si Camille Combal, il est tout le temps... Enfin, il n'est pas un non-stop là-dessus, quoi. Donc après, il y a des gens qui ont fait le choix de partir vers ce milieu. Je prends par exemple Guillaume Play, il est parti là-dedans. J'ai pas compris, moi. Hein. Le mec était sur Énergie. En plus, j'avais fait une émission avec lui, je me rappelle, sur France Télévisions, où j'avais été faire un essai dans son émission. J'ai pas compris. Je sais pas si vous avez compris, vous, Guillaume Play, du jour au lendemain, Il part d'énergie. Il développe une application. Ouais, mais attendez, les mecs, la radio quand même, merde. Ouais. Énergie, quoi. Ouais, mais il a été radio. Poussé vers la sortie d'énergie quand même. Bah, il a dit qu'il allait partir, et ce que j'ai compris, hein, c'est qu'il a dit qu'il allait partir, et énergie a dit non, tu pars pas, c'est nous qui te font partir. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Après, je sais pas, on s'est parlé quelques fois par texto, mais c'est tout. Mais lui, par exemple, c'est un truc, pour moi, j'hallucine, quoi. Je me dis, tiens, le mec, c'est une force de la nature, il faisait une super bonne émission, le mec part et va vers un média qui est de la téléphonie et tout, mais bon, pour moi, c'est l'avenir, certes, mais ça reste un téléphone et la radio... C'est du vrai contact. Bah oui, c'est du vrai contact. T'es avec les gens, t'es dans leur voiture. C'est comme, comment dire, tout ce qui est Combini, tout ça. C'est très bien, Combini, tout ça. Ben, j'ai reçu Hugo Clément il n'y a pas très longtemps. Alors c'est extraordinaire parce que c'est des mecs, tu te dis, putain, ils sont intouchables. Hugo Clément, tu le contactes sur son Instagram, il vient, quoi. Donc tu vois, il y a des trucs qui sont super... Les mecs qui sont très branchés vont venir. Donc c'est super chelou. Il y en a d'autres, il faut passer par l'attaché de presse et tout. Ouais. Mais l'histoire de Combini, c'est pareil. Tu te dis, putain, ils gagnent des sommes faramineuses. Hein. C'est des 15-20 000 euros par mois qu'ils gagnent là-bas. Oui. Hein. Quand même, hein, les animateurs. Hugo Clément, il gagne. Je pense qu'il est entre 5 et 20 000. Il n'a pas voulu le dire à l'antenne, mais bon. C'est pas mal. Ah oui, c'est entre ça. Hein. Sincèrement, c'est là-dedans. J'en suis pratiquement persuadé. Après, je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas sa fiche de paye, mais ils gagnent énormément d'argent, ces gens-là. Et c'est du. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Hein. C'est du web média. Mais pour moi, j'ai 29 ans. La télé restera toujours la télé et la puissance de la télévision. Moi, j'ai un truc de. Quand je vois une caméra, un caméraman qui arrive avec une P2, là, les grosses caméras, ça me fait quelque chose. Bah, parlons-en justement de la télé. Vous avez des envies de télé? Ah oui, vous bien sûr. Vous déjà bien fait sûr. Un peu de télé avec... J'en ai fait un tout petit peu. J'en ai fait sur MCE, une chaîne étudiante. Je l'ai fait pendant 2 ans, où j'avais un rôle le chronique. Après, j'ai travaillé pour Public et j'ai travaillé pour Energy 12, où j'ai travaillé sur une émission qui s'appelait Indiscrétions. J'ai l'impression que ça s'appelait Indiscrétions, présentée par Frédéric Joly. Et ça n'a pas marché parce que c'était Energy 12, je ne sais pas. Mais c'était assez intéressant parce que du coup, tu devais partir avec un micro, aller choper des indiscrétions. J'adore, c'était super sympa. Le concept était pas mal. Ouais, le concept était vraiment intéressant. Ouais, c'était un vrai truc. Après, et retour à la télé maintenant ? De quoi, pardon ? Un retour à la télé. Ah bah oui, mais c'est... je pousse les portes. Hein. Je suis en train de faire des rendez-vous en ce moment. Hein. J'aimerais bien en faire un. Ben écoutez, moi, il y en a un que je tanne depuis des années, c'est Cyril Hanouna. Justement, mais bon, Cyril, c'est compliqué avec Cyril parce que Cyril, il va t'envoyer un message à 2h du matin avec un cœur en disant je t'aime et puis le lendemain, tu vas pas avoir de nouvelles. Il va dire qu'il pense à toi, mais bon, en fait, il y a tellement de monde qui sont autour de lui. Il y a eu des nouveaux cette année, Cédric Cizer ou Andreas. Ouais, je sais qu'ils sont déjà plus là, je crois. Si, ils sont toujours là. Andreas, on le voit de moins en moins. Mais Cédric Cizer, il fait sa chronique quotidienne. Cizer travaille avec lui depuis longtemps. Il était auteur bien avant déjà. Il y a des gens qui étaient déjà dans l'équipe. C'est compliqué d'arriver avec Cyril. Après, moi, j'ai eu un rendez-vous avec Lionel Stan que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, notamment sur l'antenne. Qui est à H2O. Hein, qui est le directeur d'H2O. C'est lui qui choisit avec Cyril. On a eu un rendez-vous ensemble, on a parlé. Il était probable que cette année, je fasse Touche pas à mon poste. Cependant, le souci, c'était un souci d'horaire, en l'occurrence. Parce que lui m'avait parlé de plateau. Je lui dis, ça va être compliqué parce que moi, je fais 20h minuit. Je vois difficilement comment je vais sur le plateau entre 20h et minuit. Donc, aujourd'hui, on va dire qu'il y a un problème d'horaire. Ouais. Après, si vraiment ils avaient voulu de moi, on aurait trouvé une solution le vendredi, sincèrement. Ouais. Donc voilà. Je pense que eux, ce qu'ils ont envie aussi, c'est du personnage. Ce dont on en parlait, c'est le personnage. C'est vraiment Jordan Deluxe avec genre un costume noir et blanc, avec le nez papillon. Et pas forcément votre personnalité à vous. Parce que Jordan Deluxe, j'ai l'impression que c'est pas votre personnalité. Quand vous avec un déguisement, tout ça, non, c'est plus un personnage en l'occurrence. Donc c'est vrai qu'on est entre deux, eaux quoi. Donc ça dépend quel rôle j'ai, où est-ce que je vais. Non, Jordan Deluxe, c'est moi à part entière. Après, il y a des facettes aussi qui sont un petit peu plus méandreuses. Donc ça dépend des jours quoi. Mais oui, la télé, j'aimerais bien faire. On va se revoir avec Cyril normalement pour la rentrée. Donc vous reviendrez nous en parler. Oui, je pense que ça va se faire. Mais bon, il faut du temps et on prépare une émission là peut-être avec Pierre-Jean Chalençon, voilà, qui est un bon ami à moi que j'ai rencontré sur l'émission. Une émission qui parlerait de. Ah là là, ça se ferait au Palais Vivienne, parce qu'il a un palais extraordinaire. Pierre-Jean qui est sur Affaires conclues, donc qui ressemble à Paul Naref. Et donc tu serais une émission complètement déjantée. Et pour quelle chaîne ce serait ? On ne sait pas encore, mais. Vous proposeriez justement cette émission à diverses chaînes Ouais. Pas France Télévisions, parce qu'il est déjà sur France Télévisions, et je ne crois pas qu'il ait de contrat d'exclusivité. Par contre, je pense que ça pourrait intéresser Paris Première, quelque chose comme ça. Donc voilà. Enfin, voilà, le groupe Canal, en tout cas. Donc voilà. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Donc une émission éventuellement avec Pierre-Jean Chalençon sur Paris Première qui parlerait de. Alors ce serait un truc complètement déjanté puisque ça parlerait de Napoléon d'art, mais ce serait mélangé à des trucs complètement déjantés. C'est-à-dire qu'on mettrait Silver, qui est mon chroniqueur aussi, dans l'émission, qui lui travaille à la RATP l'après-midi. Qui vient donc il travaille réellement à la RATP l'après-midi, c'est mythique. C'est une blague. Oui, alors lui, c'est un spectacle. Mais voilà, ce serait ça. Après, pour l'instant, rien n'est fait. On n'a même pas encore écrit le concept. On est dessus, on y réfléchit. Pierre-Jean est sur France 2, donc pour l'instant, il est sur France 2. Ça cartonne pour lui, hein, d'ailleurs. Ça fonctionne très, très bien. C'est très, très bien. Mais après, ce serait bien aussi que Pierre-Jean ait son émission. Moi, ce que je lui dis, étant donné que c'est vraiment un de mes meilleurs amis maintenant, donc voilà, j'aimerais bien qu'il ait aussi son émission, mais ça fonctionne très très bien. Donc pourquoi pas un petit truc à côté de ça, ouais, avec lui, ça me ferait plaisir une fois par semaine, pourquoi pas. Et Voltage, ça continue pour vous les prochaines saisons? Vous n'avez pas des envies C'est toujours la question, est-ce que ça continue? On sait jamais. Vous savez, moi je signe des CDD tous les ans, hein, dans la radio. Alors, je sais pas comment ça se passe dans les autres radios, mais sur Voltage c'est un contrat à durée déterminée, c'est-à-dire qu'on signe une saison, ce qui est plutôt bien parce qu'aujourd'hui dans la télévision, quand tu signes un contrat, c'est compliqué parce que tu sais pas, par exemple avec Cyril, signer un contrat avec lui, Cyril, je sais pas combien de temps vous allez faire. Si d'un coup Cyril il se dit j'en veux plus, voilà, bon c'est fini. Tu changes d'avis, ah bah oui, hein, donc tu gagnes peut-être 400 euros la soirée, mais ça sera peut-être les seuls 400 euros pour le mois ou l'année, tu vois. Donc voilà, là aujourd'hui on signe au contrat. Moi j'ai un contrat juste en août, donc pour l'instant je suis en août sur Voltage. Je suis très heureux de ce que je fais, la direction m'a l'air contente, les audiences sont bonnes. Pour l'instant ça continue, et une nouvelle saison avec grand plaisir, si Voltage a envie de continuer, moi j'ai envie de continuer. Voilà. Vous parliez de Lionel Stan tout à l'heure, qui était un petit peu déçu, j'ai vu justement les extraits dans votre émission, par rapport à Camille Combal, qui voilà, le fait que Camille Combal ait dit qu'il n'animerait jamais de jeu, et finalement il est parti sur Qui veut gagner des millions, il était donc un petit peu déçu. Camille Combal ne sera peut-être plus l'année prochaine à la tête de la matinale de Virgin Radio. Vous avez fait une matinale, vous avez fait une matinale. Oui, c'est compliqué de vous répondre à cette question. J'en ai parlé un peu avec Lionel, c'est vrai, de ça, pourquoi pas. C'est en réflexion. Ça dépend de comment ça se passe sur Voltage. Sincèrement, ça dépend. Parce que Voltage, c'est vraiment ma radio de cœur. Donc, ouais. Moi, ils m'ont fait confiance à 100%. Hein. Je suis là depuis le début, ça fait 6 ans que je suis là-bas. Donc, soit on continue sur Voltage le soir avec cette émission qui continue... soit si voilà ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. J'en ai aucune idée, sincèrement j'en ai aucune idée aujourd'hui de comment ça se passe. Une matinale à Virgin avec Jean-Jean Vincent, ça pourrait être extraordinaire. Ça pourrait être aussi très bien sur Voltage. Il y a une émission sur Voltage le matin aussi qui est très bien, qui s'appelle l'équipe du matin. Je sais pas, tout est possible. Moi je suis ouvert à tout, surtout à parler. En tout cas aujourd'hui j'ai mon émission sur Voltage jusqu'en août. Je fais cette émission. Après, dès que le contrat est terminé, est-ce qu'on continue avec Voltage? Ce sera à eux de me dire. Moi, je verrai avec eux. Merci, voilà. Jordan Deluxe, merci d'avoir été vous. Avec nous. Merci, Guillaume Vérec. Merci Alexandre Patek. Jordan, vous reviendrez nous voir? Avec plaisir, bien sûr. Avec des détails avec Hanouna. Ah oui, avec Cyril. Avec des détails croustillants. Je vais t'en donner des détails. On a un petit verre de rosé maintenant. Merci beaucoup. Merci Lucas Deveza qui était à la réalisation. Merci à Florian Pro pour la musique. On se retrouve très très vite pour un prochain numéro de Pitaro Hebdo.